Appel à la solidarité. Inondation dans le Pas-de-Calais. Votre maison a été touchée par les inondations et vous avez besoin d'aide pour la vider ou la nettoyer? Vous souhaitez venir donner un coup de main aux sinistrés? Vous êtes un particulier, une entreprise ou une collectivité et souhaitez venir en aide financièrement pour l'achat de pompes et de matériel de nettoyage? Contactez dès maintenant le réseau de soutien aux populations mis en place par la Protection civile du Pas-de-Calais au 03 74 20 03 07. 03 74 20 03 07. Hop là. Je suis ton CRS, mes coups de matraque seront pour toi des caresses. Tu es si jeune et moi, je suis si moustachu. Comment puis-je avouer cet amour? Tu es mon étudiante, je suis ton CRS. Pour toi, je chargerai avec délicatesse. Malgré les apparences, j'ai un cœur tendre. Comment te le faire? Vous étiez des milliers. Pour les pouvoirs publics, des centaines. Mais pour moi, nous n'étions que deux. Quand je t'ai vu crier derrière la grille que nous avions posée à la Bastille, j'étais si troublé que le projectile que tu m'as lancé a fait bim, bim dans mon cœur. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dans l'allégresse, dans les tuyaux, il y a parfois du sable pour faire comme à la plage. Tu es mon étudiante, je suis ton CRS. Mon bouclier ne fera que frôler tes fesses. Je te protégerai, toi qui es si mûre. Qui donc t'a bousculé? L'accuses-tu lui de l'avoir fait? Ah, lui, c'est un collègue, tu sais, il est marrant, tout ça. Il avait pas fait exprès. Quelqu'un d'autre. Si ça te prenait de me dire que tu m'aimes, je serais si heureux que le jour même, je mettrais de la rose dans mes lacrymogènes pour que partout ça fasse bim, bim dans les cœurs. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, bonjour, il est midi et vous êtes bien sur les 106,6 MHz de Radio Campus, campuslille.com ou DAB+, pour écouter Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux d'attaque de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, une association d'éducation populaire, comme on va le voir avec, aujourd'hui avec notre invité. Pour vous servir aujourd'hui, Florent, l'informaticien chargé de tout faire fonctionner, le choix musical, les rendez-vous militants, le temps à passer. Florent Morgan, notre billettiste, Ludovic Nolouk Gramchien et puis René Lascience, dont nous saluons le grand retour. Salut René, tu vas bien ? Ça va, ouais. Ça va mieux. D'accord. Et Christian au micro. De quoi parlons-nous aujourd'hui à Angle d'attaque ? Eh bien, nous poursuivons notre quête vers ou pour un monde meilleur dans notre série de la saison, au titre explicite, ce que nous voulons, CQNV en fait. Comment envisager l'avenir aujourd'hui ? Et nous trouvons des réponses. Ce mois-ci, c'est chez les économistes atterrés que nous trouvons quelques pistes à notre quête. Un ouvrage paru en 2022 a forcément attiré notre attention. De quoi avons-nous vraiment besoin ? Édité aux liens qui libèrent, en 2022. Et nous avons la chance d'avoir au téléphone, depuis Toulouse, la coordinatrice de l'ouvrage, Mireille Bruyère. Bonjour Mireille, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, oui, merci de m'avoir accueilli. Oui. Oh, c'est facile, là. Encore que on a quelques problèmes techniques de temps en temps. Mais c'est pas dû à la radio en plus. Mireille, tu es maîtresse de conférences en sciences économiques à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Tu es spécialiste du travail. Tu es aussi membre du conseil scientifique d'Attaque. On ne peut pas l'oublier. Et tu écris aussi de temps en temps dans la rubrique de Politis, l'économie à contre-courant. Et je fais référence notamment à ce billet sur l'A69 de l'autoroute Toulouse-Castres. Tu peux en dire un mot de ce scandale ? Oh ben, c'est un comme beaucoup de projets de ce type, hein, ce sont des projets qui ont été pensés il y a déjà plusieurs décennies. Peut-être même déjà à l'époque pouvait poser problème en termes écologiques, mais là ça devient complètement insoutenable. Alors avec effectivement pour des questions écologiques, mais en fait les promesses qui sont faites de désenclavement économique, de réduction de la pauvreté sont absolument fallacieuses, hein. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est plutôt développer les territoires et permettre aux gens de vivre, de travailler au pays plutôt que de les connecter à une métropole qui ne fait que relancer la croissance. Voilà, c'est vraiment le logiciel de l'idée que tout doit passer par le développement économique, la croissance, le développement des infrastructures pour le progrès, pour la transition écologique, etc. Donc voilà, c'était. Et donc la lutte ne fait que commencer, j'espère qu'elle aboutira. Ouais, nous aussi, tous. On te soutient de loin, là, mais on soutient quand même ce genre d'action. On a ce genre de problème un peu, nous aussi, t'imagines. Nous sommes là tous les quatre à t'interviewer. Tu ne seras pas surprise de notre première interrogation. Comment est apparue cette idée chez les atterrés d'écrire un ouvrage qui, en 8 chapitres, explore ce qui pourrait procurer un meilleur avenir, par exemple ? Alors, pour répondre, peut-être il faut revenir à la naissance des économistes atterrés qui ont maintenant plus d'une dizaine d'années et qui sont issus de la sidération suite à la crise de 2008 et à la petite ouverture de régulation. Voilà, il y a eu tout un débat, donc on a eu plein de discours comme quoi ça suffisait, le capitalisme débridé, etc. Et puis 2010, on a un retournement austéritaire très très fort, et c'est donc à la publication du premier manifeste des économistes atterrés, du grand succès de ce manifeste qui revenait sur les contre-vérités de l'économie, que se crée le collectif des économistes atterrés, qui est un collectif, en fait une association, donc tout le monde peut adhérer, mais qui est animé par un collectif d'économistes autour d'une vingtaine de personnes, en fait vraiment actives, qui ont comme objectif de lutter contre la pensée unique, les politiques néolibérales qui ont cours depuis une trentaine d'années, et en particulier effectivement la lutte, ce qui a fait la naissance des économistes atterrés, la lutte contre les politiques austéritaires, la protection effectivement de la vocation sociale de l'État, des politiques sociales, des politiques de lutte contre les inégalités. Donc ça, c'était l'histoire des économistes atterrés, c'est ça. Et en fait, peut-être que ce livre marque un petit peu, peut-être ouvre une autre période, dans le sens que le Covid a posé peut-être plus nettement la question de la place de l'économique, de ce que nous devons faire, nous, en tant qu'économistes dans la cité, parce que à ce moment-là, il y a eu un débat à l'intérieur des économistes atterrés de savoir est-ce que le Covid était un événement extérieur dont il fallait effectivement essayer d'en limiter les effets sociaux délétères, ou était l'expression d'un fonctionnement du capitalisme dans toutes ses dimensions. Et donc, ça place, est-ce que c'est un choc exogène, si vous voulez, ou est-ce que, finalement, le Covid, c'est l'expression des modes de vie, des modes de production du capitalisme et des sociétés industrialisées. Donc, ça replace la question de l'économique. Et pour beaucoup d'entre nous, on pensait qu'il fallait de plus en plus articuler, réinsérer, même si c'est pas comme ça, ça n'a jamais été désinséré, mais vraiment remontrer, refaire voir à quel point les questions économiques sont complètement intriquées aux questions écologiques, aux questions politiques, aux questions sociales. Même si effectivement les critiques de la financiarisation hein, qui est ancienne, dont Attac d'ailleurs a été une force de contestation très forte, même si la financiarisation de l'économie pouvait donner l'impression d'une autonomisation de l'économie, en fait avec le Covid il était clair qu'on n'a jamais on s'est jamais déconnecté des questions écologiques, sociales, matérielles, énergétiques. Ça nous sautait à la figure, en fait. Et donc, on a voulu renouveler un petit peu. Alors, c'est une tentative certainement limitée, un premier pas, mais renouveler finalement le geste théorique de la pensée critique en économie à l'heure de l'anthropocène, c'est-à-dire comment on peut réarticuler l'économie à toutes les dimensions de la vie sociale, en fait. Oui. Et c'est pour ça qu'on est parti des besoins. C'est pour ça qu'on s'est dit, peut-être en partant des besoins, on est sûr de pas tout de suite être dans l'économique. Il fallait que l'économique soit le résultat d'une réflexion et on ne voulait pas partir de l'économique. En fait. Alors, il y a effectivement, je fouille un peu pour préparer cette émission, il y a aussi quand même le nouveau manifeste de 2015 où il était question, effectivement, pour une autre économie, c'était le sous-titre, je crois. Oui. C'était déjà, effectivement, dans votre idée, mais on a remarqué, on ne pouvait ne pas le voir, qu'effectivement, le Covid est très présent dans cet ouvrage. Oui, alors il a été écrit vraiment tout près du Covid, hein. Mm-hmm. C'était très très encore traversé par ce qui s'est passé là, et ce qui s'est passé pendant le Covid était pour nous une accélération des tendances à l'œuvre, c'était pas une bifurcation, etc. Même si le mouvement suspendu ou tout s'arrête et que finalement les revenus sont maintenus, ouvre évidemment un imaginaire pour beaucoup de gens, pour certains d'entre nous, c'était vraiment de l'ordre de la posture, voilà, on est dans un autre monde, ça sera jamais comme avant, etc. La gestion réelle, finalement, du Covid, très autoritaire, statistique, du haut, ne faisait que montrer les dynamiques à l'œuvre déjà à l'avance, hein, qui étaient déjà là. Mais par rapport à l'ouvrage de 2015, on a tenté quand même d'avancer encore d'un pas. C'est-à-dire non pas de dire une autre économie, mais de dire un autre vivre ensemble, à partir duquel nous, les économistes, nous pouvons tirer quelques conclusions économiques. D'accord. Donc c'était vraiment d'essayer vraiment de partir du vivre ensemble. Avec une précision aussi, vous reconnaissez l'importance de l'écologie dans 2015. Absolument, hein, évidemment. Là alors, aussi, c'était peut-être encore plus central que les travaux d'avant, et qui parce que bon, là, c'est très compliqué. Très problématique de ne pas prendre en compte complètement au cœur des problématiques théoriques, hein, pas simplement comme quelque chose qui arrive à la fin d'une réflexion ou des propositions. Bah, il faut faire un peu d'écologie, il faut y penser aussi. C'était vraiment dès le début d'essayer de dire qu'est-ce que ça veut dire qu'une bifurcation écologique et sociale, comment on peut penser ça, déjà dès la question des besoins. D'accord. Alors vous avez retenu 8 besoins. Et si tu peux nous les présenter rapidement, parce qu'on ne pourra pas tous les traiter, on en a choisi 3, 2 plus 1. Alors, effectivement, il faut noter que c'est un travail collectif, hein, qui a demandé beaucoup de discussions entre nous, qui a été aussi peut-être un travail qui nous a enrichi aussi en tant que collectif, en tout cas je l'espère. Donc, le résultat de ce chapitrage, hein, c'est aussi le résultat des discussions. Alors, le premier chapitre, c'est un chapitre qui se pose la question de la nourriture, de l'accès, effectivement. Qu'est-ce que c'est que se nourrir ? Pas simplement comme une quantité de calories à ingurgiter chaque jour, mais quelles sont les conditions sociales et donc aussi productives, hein, du fait de se nourrir en société. Oui, celui-là, excuse-moi, on va le voir ensemble, donc on ouais. passe plutôt ouais, sur... Voilà, donc oui, je vais aller un peu plus vite peut-être, effectivement. Ouais. Ensuite, le chapitre 2, c'est se soigner, donc la question du soin. Mmh. Le chapitre 3, c'est s'éduquer. Le chapitre 4, c'est faire culture, toute la question autour de la culture, de l'art. Le chapitre 5, c'est se loger et se déplacer. Nous a semblé que ces deux besoins étaient très très articulés, donc devaient être traités dans un seul chapitre. Ensuite, le chapitre 6, c'est produire ensemble. Le chapitre 7, c'est travailler ensemble, plus sur les questions du travail. Et le chapitre 8, qui est un chapitre qui nous a éloigné beaucoup aussi de nos marottes, c'est vivre ensemble. C'est vraiment la question de la démocratie. Voilà. D'accord. Bien, on va commencer avec une question de Morgane. Oui, alors, donc c'est pour embrayer sur justement la première partie, se nourrir en fait. Donc avec plusieurs questions, donc en lien avec les actualités récentes, donc notamment cette semaine, les instances européennes ont réautorisé pour 10 ans l'utilisation du glyphosate, donc avec l'abstention de la France qui vaut pour un accord tacite en fait, vu la configuration du vote, mais aussi de l'Allemagne, de l'Italie, qui sont des poids lourds et qui ont clairement fait bascule, en fait. Donc, ce genre d'utilisation est à la fois symbolique et symptomatique d'un modèle agricole intensif. Est-ce qu'il serait possible de développer un petit peu sur, justement, ce modèle, comment il s'est imposé, enfin, ou plutôt comment on l'a imposé? Alors, la modernisation évidemment, c'est tout, c'est la stupeur pour tous, d'autant plus qu'en plus le gouvernement s'était engagé à sortir des glyphosates rapidement. Bon, c'est un retournement qui fait partie d'une série de retournements politiques. Hein. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on a vraiment une volonté de l'État de produire des politiques productivistes et sous le terme de modernisation de l'agriculture, dans le sens effectivement d'une concentration des moyens agricoles pour augmenter cette fameuse productivité. Mais cette fameuse productivité, si on la met pas dans un contexte effectivement écologique et social, on comprend pas du tout ce qu'il y a derrière. C'est la productivité et surtout c'est la limitation du travail humain. Et la limitation du travail vivant humain, ça veut dire plus d'intrants, plus de machines, plus d'énergie, plus de consommation d'eau, etc. Plus de concentration, ça veut dire aussi des modèles agricoles qui sont très étendus, avec beaucoup de modes de transformation des denrées agricoles par l'agro-industrie et puis ensuite par la grande distribution. Il faut voir que cette politique, elle a été très très brutale et très très agressive. Elle a fait baisser effectivement le nombre d'agriculteurs, ça c'est une donnée très connue, mais au final, elle n'est pas du tout efficace. Hein. C'est-à-dire on a augmenté la productivité du travail agricole, mais elle est complètement inefficace. Il faut 10 calories d'énergie fossile pour une calorie alimentaire. Et on peut multiplier comme ça les exemples qui montrent qu'il y a un énorme gaspillage qui enrichit effectivement certains gros agriculteurs soutenus par la FNSEA au détriment d'une agriculture paysanne plus locale qui serait non seulement socialement plus soutenable mais surtout écologiquement aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus soutenable. Hein. Ce sont des modèles très concentrés qui vont avec plus de transport. Je ne sais plus dans quel article, mais ce n'est pas dans le livre, mais il y a plus de puissance agricole que la puissance, si on fait la somme de tous les tracteurs qui sont en France, que si on compare ça avec l'ensemble de la puissance développée par les réacteurs nucléaires en France. Donc c'est vraiment une manière très très brutale de cultiver. Je crois qu'il y a 30 à 50% de gaspillage actuellement avec ce mode de production agricole dans le monde. Donc c'est vraiment une impasse, même en termes, j'ai envie de dire, d'efficacité, purement d'efficacité, indépendamment de la question des inégalités de revenus des agriculteurs. D'accord. Et alors, donc là, on peut penser aussi aux solutions. Bon, là, on parlait du glyphosate, donc qui a été réautorisé bon, par abstention et pas par vote pour. Donc, il y a un petit peu aussi quelque part volonté de ne pas aller vers peut-être de ne pas aller vers les polémiques, mais je pense à autre chose, notamment aux mobilisations contre les méga bassines à Sainte-Soline, qui montre aussi une volonté de la société civile peut-être de sortir un peu de ce modèle en fait. Et donc justement, que proposent les économistes atterrés pour sortir de ce modèle de production très très intensive qui est effectivement produit beaucoup. Là, même au niveau mondial, on produit énormément, peut-être même trop, puisqu'il y a énormément de gaspillage, énormément aussi pour l'alimentation carnée. Donc, qu'est-ce qui est proposé pour... Et alors, c'est un ensemble de propositions hein, qui sont, entre guillemets, pour certaines des pistes à expérimenter, pour d'autres des propositions qui peuvent être, par exemple, sortir. C'est quelque chose qu'on dit dans ce chapitre, mais aussi dans le fait de produire ou de vivre ensemble, sortir de tous les grands accords de libre-échange hein, pour lesquels effectivement l'association ATTAC est une des associations qui a le plus milité pour ça, hein, parce que effectivement, si vous ouvrez avec la Nouvelle-Zélande, là, je sais qu'il y a un accord qui est dans les tuyaux, la possibilité de déverser des quantités de viande qui sont produites avec des conditions écologiques et sociales désastreuses à des prix très très bas, vous avez beaucoup beaucoup de mal effectivement à modifier les structures de consommation. Donc c'est tout un ensemble de choses, donc effectivement ça, c'est aussi permettre et développer l'agriculture paysanne, les circuits courts. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà, hein, qui sont autour de la question du foncier, de comment est-ce que, avec les départs à la retraite qui vont être très nombreux d'agriculteurs, on peut récupérer des territoires, enfin donc du foncier, pour qu'ils soient orientés vers de l'agriculture paysanne. Donc, je sais que les associations comme Terre de Liens, ça peut, voilà, des choses qui pourraient être développées par rapport à ça. Donc, et puis il y a la question aussi de l'accès à cette alimentation saine, biologique, locale, qui vient buter avec la structure de consommation, par exemple des classes populaires. Alors, une proposition qu'on a un peu développée, qui commence sur le territoire à être, il me semble, très très expérimentée, c'est la sécurité sociale de l'alimentation, qui proposerait effectivement une cotisation locale, qui permettrait ensuite de distribuer un budget conventionné, hein, donc ce ne serait pas un budget alimentation conventionné avec effectivement des producteurs locaux, qui satisferait des conditions sociales et écologiques et intéressantes, et qui permettrait évidemment de permettre à des classes populaires d'accéder à une alimentation saine et biologique sur le territoire. Donc ça, c'est à construire. Il y a déjà, sur Toulouse par exemple, il y a déjà des expérimentations. Il faudrait qu'effectivement la cotisation, ceux qui cotisent, soient les riches et les pauvres, de manière à ce que ça puisse être une redistribution vers le bas d'un budget alimentation sain. Et donc ça, ce sont des propositions qui montrent la possibilité d'expérimenter aussi sur le territoire. Oui, effectivement, la question qui s'est posée aujourd'hui, mais je n'y réponds pas en disant ça, mais le fait que l'inflation a bouffé encore un peu plus la consommation. Absolument. Des ménages, et on s'est un peu écarté du bio pour certains, quoi. Et oui, c'est ça, on l'a bien vu, donc on voit bien que, en fait, on peut noter que toute la modernisation agroalimentaire, je mets évidemment modernisation entre guillemets, de l'agriculture, c'est accompagné dans le budget des ménages d'une baisse énorme de la part qui va à l'alimentation, hein, de presque un tiers à presque 10% actuellement. Mais ça, c'est une mauvaise nouvelle. On pourrait dire souvent, les économistes disent « Ah, c'est bien, le prix baisse », mais non. Ce qu'il faudrait, c'est en fait qu'on paye moins ce qui va... Donc, en contrepartie de ça, les ménages pauvres payent quasiment la moitié pour se loger, pour des questions effectivement de financiarisation, d'augmentation du prix des loyers, etc. Donc il faudrait inverser complètement ça, payer moins pour se loger, pour pouvoir libérer un petit peu d'espace pour payer plus la qualité hein, de la nourriture et de l'agriculture. C'est pour montrer à quel point les besoins sont des besoins sociaux. C'est pas simplement un choix fait individuellement d'aller acheter du bio, d'acheter moins de viande de mauvaise qualité, etc. C'est que, en fait, c'est surtout le résultat d'une industrialisation hein, issue des Trente Glorieuses qui conduit effectivement à ce qu'une partie des classes populaires ont beaucoup, beaucoup moins de choix Et donc, il faut questionner aussi les modes de production. Et ça, c'est ce qu'on a voulu faire aussi dans le livre, c'est-à-dire de dire les besoins, ce ne sont pas des besoins qu'on peut définir a priori comme fondamentaux pour toujours. Ce sont des besoins qui sont structurés par les modes de production, ce sont des besoins sociaux qui sont des modes de vie, qui sont l'expression de modes de vie, de choix politiques qui ont été faits en amont. Oui, on va prolonger cette question des choix politiques avec le deuxième chapitre, se soigner. Et c'est Ludovic qui prend la parole. Oui. Banalité que de dire que le Covid, évidemment, a agi comme un révélateur. Et en l'espèce ici, la santé a mis en lumière donc, les défaillances de notre système de santé. Et notamment concernant donc, l'hôpital public qui a été mis à rude épreuve. Hein, des couloirs transformés en hébergement de fortune. Des personnels de santé au bord de la crise de nerfs. Des mobilisations récurrentes, une perte de sens. Une vague de démissions qui est croissante. Donc l'hôpital public a été vraiment mis à rude épreuve et du fait d'une politique publique basée sur ce qu'on appelle le New Public Management. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments très rapidement de cette conception d'un hôpital mu par des considérations néolibérales et faisant la part belle à une vision, on va dire, techniciste de la médecine. Oui, c'est le soin, c'est vraiment, en tout cas la question de la santé, des politiques de santé, de l'hôpital, etc. C'est vraiment l'exemple type que le prisme uniquement économique ne suffit pas à comprendre les enjeux principaux qui se sont passés depuis une vingtaine ou trentaine d'années dans ce secteur. Parce que il n'est pas question simplement de baisse des dépenses publiques de santé. qui sont pas dont finalement c'est pas ça qui pourrait marquer expliquer tout ce qui s'y passe. C'est vraiment une idéologie et donc une forme de rationalité et une organisation, alors qui serait, j'ai envie de dire, le pendant du productivisme dans l'hôpital. Ça serait effectivement le néo-management et l'idée que ce qui compte c'est de mettre en place une rationalisation du soin qui maltraite et les soignants et les soignés, hein, les patients. Et c'est toujours assez hallucinant, et je reste encore sidéré de voir à quel point cette idéologie détruit ce qui est pourtant essentiel dans le vivre ensemble, hein, c'est-à-dire être capable de prendre en charge les personnes vulnérables, les malades, les personnes âgées, même la petite enfance, hein, donc tout ce qui est de l'ordre du soin, qui est au cœur, à mon avis, du vivre ensemble. Et donc, nous avons, dans ce chapitre qui a été écrit donc par Fabien Orsi et Benjamin Coria, ils ont noté à quel point les différentes réformes qui dérialisent l'hôpital ont conduit à réduire complètement, à en faire une forteresse industrielle dans laquelle vous êtes un numéro traité, vous rentrez, vous êtes soigné, vous ressortez. Et dont la capacité des soignants d'être du côté de la clinique, hein, de la parole de la clinique est complètement niée, avec différentes strates, là, les hôpitaux, avec finalement le chef d'hôpital qui a tout pouvoir et qui est chapeauté par les agences régionales de santé qui ont des visions totalement managériales et quantitatives, hein, du soin. Donc là, on a voulu opposer une autre démarche qu'ils ont appelée la démocratie du soin, issue hein, de vieilles traditions de psychothérapie institutionnelle, par exemple, hein, de Tosquelles ou de Oury, mais aussi les traditions de santé communautaire, de santé de médecine populaire. Tout ce qui a été issu aussi du mouvement du Covid qui a conduit les patients à agir et à devenir des acteurs, qui a donné d'ailleurs des choses intéressantes avec une idée de démocratie sanitaire, hein, qui ont donné la loi Kouchner, mais que comme une note dans le chapitre, en fait, ça s'est complètement institutionnalisé, c'est devenu quelque chose de très formel et qui a perdu sa vitalité, c'est-à-dire sa proximité avec les soignés, avec les patients et avec le territoire. Donc il y a tout un ensemble de propositions qui est d'aller vers les patients, pour revitaliser et la démocratie du soin et aussi l'hospitalité et la fonction sociale de l'hôpital. C'est-à-dire, l'hôpital a une fonction sociale, elle ne fait pas que soigner, remettre, réparer les personnes, hein. Elle est aussi sociale, elle est clinique. Donc c'est aussi articuler l'hôpital, par exemple, avec la médecine de ville, beaucoup plus, etc. Il y a aussi l'idée de prendre en compte aussi les causes, et notamment la montée justement des pandémies qui sont liées à la dégradation de l'environnement, hein, ce que le concept de One Health, par exemple, montre bien qu'il y a des liens entre la santé animale et la santé humaine. Donc je pense qu'aussi dans votre conception, il y a aussi l'idée de prendre en compte une vision holistique et non plus... De la santé, donc du soin, c'est pour ça que... Je préfère noter, nous parler de soins. On cherche à trouver les mots aussi, parce que les mots sont tellement repris par ces politiques de managérialisation de l'hôpital, hein, qui parlent aussi de santé, etc. Donc essayer de trouver des mots qui sont plus expressifs de la direction, évidemment, la prévention, se mettre avoir une articulation avec les conditions de vie, les modes de vie des populations, les populations les plus précaires, etc., qui sont essentielles à la question de la démocratie du soin. Mmh. Oui, et la précaution commence à l'école, d'ailleurs, avec des infirmières dans toutes les écoles, ou des choses comme ça, quand même. Oui, tout à fait. On va essayer de passer au vivre ensemble avec René. C'est un chapitre qui vous décale un peu, tu disais tout à l'heure. Absolument. Oui. Donc j'ai une première question. Donc les politiques néolibérales ont creusé les inégalités. Donc vous citez les chiffres, je n'y reviendrai pas. Et contrairement à l'affirmation des néolibéraux, le marché est un lieu de lutte, donc où s'effectue la concurrence, compétitivité, etc., où se rencontrent des entités au pouvoir très différents, économiquement et socialement, et où, bien sûr, se creusent les inégalités. Donc, dans ce contexte, quelle place reste-t-il pour le vivre ensemble, comme vous le dites d'ailleurs, ce corpus de principes et de valeurs devant régir les relations humaines? Oui, ça a été un chapitre qui nous a beaucoup, comment dire, qui nous a beaucoup fait réfléchir, parce que effectivement, les économistes ont comme champ d'étude phénomène économique. Même si, comme je l'ai dit en introduction, on voulait absolument partir du substrat à partir duquel le phénomène économique peut s'instituer. Et donc, on revenait un petit peu sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire, le vivre ensemble? Et on a essayé de connoter, en fait, d'essayer de dire, c'est quoi notre vivre ensemble? Évidemment, il y a du vivre ensemble, puisque, on n'est pas tous isolés les uns des autres, mais ce vivre ensemble est organisé par des principes que nous dénonçons. On a essayé de les résumer avec cette idée de concurrence, en fait. Non seulement d'inégalité, oui, et de concurrence. Et je voudrais dire que peut-être je fais une petite parenthèse, ce travail collectif a montré, évidemment c'est toujours, on discute ensemble, etc. Ce qui nous a peut-être paru être une conclusion de ce travail collectif, c'est que la question de l'égalité, de la solidarité traversait tous les chapitres. C'était peut-être le fil rouge qu'on n'avait pas identifié tout à fait au début, mais qui traversait tous les chapitres. Et dans ce chapitre, effectivement, on a voulu montrer qu'est-ce qui finalement vient s'incarner comme principe de concurrence et d'inégalité, et qu'est-ce qu'on pourrait proposer qui viendrait le limiter, le combattre, etc. Oui. Et donc, évidemment, limiter la concurrence, c'était quelque chose qu'on devrait essayer de questionner à tous les endroits. Alors évidemment, c'était sortir des questions des accords de libre-échange, hein, ça au niveau mondial, ça paraît... être essentiel, par exemple, pour l'agriculture, pour le produire ensemble. Donc, dans le chapitre 6, où on parle de la question de la production, il faut aussi, évidemment, sortir des accords de libre-échange. Mais aussi, il faudrait essayer de, entre guillemets, tuer le mobile économique, d'une certaine manière, pour reprendre une expression que j'aime bien d'un auteur déjà disparu. C'est-à-dire essayer de limiter absolument les inégalités de revenus. C'est pas simplement... garantir des revenus minimums, hein, ça c'est essentiel, hein, évidemment, sortir les gens de la pauvreté, c'est important, mais par le haut, c'est-à-dire tuer le mobile économique, c'est d'éviter que le désir s'incarne trop dans les revenus très très élevés. Et donc oui, cette histoire de revenus maximum nous paraît vraiment essentielle. Justement, au niveau légal, un revenu maximum. J'ai vu donc dans ce chapitre que vous avez fait un certain nombre de propositions, une échelle de valeur basée sur les besoins des citoyennes et citoyens ou sur l'utilité sociale de leur métier, la limitation des écarts de rémunération, etc. Également inventer la protection sociale de demain en accordant des droits décents universels, quelque sorte. Oui. Mais oui. Comment parvenir à mettre en place ces différentes propositions dans un monde dominé par l'idéologie néolibérale, ou plutôt une autre façon de dire, comment établir un nouveau rapport de force, puisque c'est ça qui infléchira les politiques néolibérales. Non ? Absolument, mais là c'est comme c'est une question qui est la question de la stratégie et du rapport de force, effectivement, elle est en même temps contenue dans les propositions. C'est-à-dire oui. qu'on propose un certain nombre de stratégies qui sont des pistes et de revendications, mais aussi, par exemple, quand on met en place sur le territoire des expérimentations qui permettent à des collectifs d'abord de traverser, d'expérimenter une socialisation politique qui renforce les rapports de force. Mmh. Qui peut ensuite déboucher sur des rapports de force plus généraux, plus au niveau, par exemple, politique, plus classique. Dans ce comment, effectivement, il y a tout un ensemble de pistes. C'est agir pour chacun de nous dans des collectifs, mais puis pour nous, en tout cas, les économistes atterrés, c'est produire ce genre de livre qui donne à penser où est-ce qu'on peut agir, en fait. Après, je vois un petit peu ce que vous voulez dire, c'est que le rapport de force pour l'instant est tellement déséquilibré oui, qu'on chercherait des choses plus simples à faire, mais je peux pas répondre à ça. Comment faire Oui. Vous faites des choses là. Oui. Moi, j'essaie c'est l'avenir qui décidera en fait. Oui. J'ai aussi par une. Contre, oui. Pardon. Ouais. Je peut-être il y a alors. Peut-être quand même signaler que dans ce chapitre, il y a des éléments sur lesquels il y a des débats aussi entre nous. Par exemple, la question de la protection sociale, renforcer la dimension distributive de la protection sociale, c'est-à-dire, comme vous avez dit, qu'elle soit fondée sur des droits minimaux généreux de revenus, par exemple. Mais aussi, on a voulu renforcer la démocratie telle qu'elle est actuellement, représentative. On a des débats. Qu'est-ce que c'est que la démocratie qui traverse les économistes atterrés, mais qui traverse, je pense, tous les mouvements sociaux dits de gauche. En effet. qu'est-ce que c'est que la démocratie? Est-ce que c'est la représentation, etc. En tout cas, on pouvait être d'accord ensemble de dire qu'il faut quand même. Au moins revivifier la démocratie représentative en limitant le renouvellement et le cumul des mandats, introduire de la proportionnelle, etc. Donc ça, ce sont des choses qui nous paraissaient assez, envisageables. Ils pourraient déjà changer pas mal de choses, quoi. Oui, et justement à propos de la démocratie, j'aurais encore une question. Comme vous dites, l'égalité est la première condition de la démocratie et la montée des inégalités amène à un affaiblissement de celle-ci. Oui. Vous dites aussi que vous parlez de la dérive autoritaire du néolibéralisme, mais moi je pose cette question. S'agit-il seulement d'une dérive ? Pour référence, je prendrai le livre de Christian Laval et de Pierre Dardot, je crois, « Démocratie et néolibéralisme », dans lequel, donc je cite, on peut lire « le néolibéralisme par essence nie la démocratie théoriquement et pratiquement ». Si l'on comprend celle-ci comme le transfert au peuple du pouvoir effectif de définir les orientations fondamentales de son organisation sociale et de son destin. En somme, le néolibéralisme cherche à compresser la démocratie, déjà c'est inscrit dans ses gènes en quelque sorte. Oui, bien sûr. Peut-être qu'effectivement le mot dérive pourrait laisser entendre qu'il pourrait être trop, il pourrait ne pas dériver. Oui, c'est ça. Et oui. Non, je participe absolument de. Je suis tout à fait d'accord avec votre remarque, hein, et à l'analyse de Pierre Dardot et de Christian Laval. Les idées, les principes qui fondent le néolibéralisme et les pratiques qui ont conduit au néolibéralisme, c'est la négation du principe de la démocratie, du principe d'autonomie et d'égalité. Et je pense que depuis la naissance de l'époque moderne, hein, qu'on pourrait appeler du capitalisme et de l'industrie, dans les sociétés, dans les nôtres, hein, les sociétés européennes, etc., il y a depuis toujours une opposition entre ces deux principes. Ce principe de ces visées d'autonomie, d'égalité, qui sont quand même présentes, qui sont là, et les mouvements sociaux, et même les gilets jaunes, ou voilà, les contre la réforme des retraites, etc., se fondent sur ça, et sur ces visées-là, et sur ces espoirs-là, et en même temps, il y a toujours eu, depuis le début, un autre principe qui est celui du capitalisme qui est un principe hiérarchique en fait fondamentalement qui nie la démocratie qui peut s'en accommoder un tout petit peu si elle est pas trop embêtante mais qui nie fondamentalement la démocratie qui a toujours été en lutte. Oui, exactement, oui. Et il nous reste 4-5 minutes là. Moi, j'ai une autre question. J'ai assez peu vu une présence de l'État, y compris des services publics. Je suppose que c'est délibéré. Ah oui, alors c'est peut-être pas totalement délibéré. Je pense que c'est simplement la façon dont on a, produit, enfin comment on a mis en place notre démarche à partir des besoins. Qui peut-être ont donné l'impression que, eh ben non, c'est peut-être qu'on parlait moins de services publics. Il y a aussi que service public, ça veut dire beaucoup, comme je le disais sur le soin, c'est-à-dire on peut dire qu'il y a un service public du soin, mais la qualité du service public est tellement détériorée que nous, on a voulu vraiment partir de l'effectivité concrète. Oui. De la manière dont se déploie actuellement le service public. Il faudrait qu'il soit refondé sur une forme commune, en fait, plus démocratique. Hein. Parce que service public en soi, ça veut trop tout dire et rien dire, presque. C'est peut-être pour ça. Mais c'est pas du tout pour dire qu'il faut pas de service public. Hein. On avait compris comme ça, rassurez-vous. Voilà, rassure-toi. Voilà. Bien, un mot de conclusion peut-être sur ce travail et s'il y a une suite prévue. Alors oui, il y a une suite prévue. On a envisagé une suite prévue autour peut-être des c'est tout à fait en état de chantier autour de la question des revenus de transition, de la protection sociale de transition, des communs de transition, etc. Parce que comme vous me l'avez fait remarquer, comment on y va? On voit un peu les problèmes, il y a quelques pistes, etc. Qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, les économistes, pour accompagner cette bifurcation autour de la solidarité et des revenus? Parce qu'évidemment, quand on dit on bifurque, quand on dit, par exemple, pour moins produire, moins consommer, tout le monde est à peu près d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les classes populaires, etc. Donc on était un peu sur ce chantier tout à fait ouvert. Pour la suite, voilà. Les économistes intéressés sont traversés aussi par beaucoup, beaucoup de débats qui sont houleux. Donc, parce que ça ouvre des questions nouvelles, hein, par exemple, sur qu'est-ce que ça veut dire moins produire. C'est pas du tout évident d'avoir un consensus. Voilà, on est vraiment dans la construction là pour l'instant. D'accord. Eh bien, c'est une nouvelle intéressante, effectivement, le commun de transition. On va terminer sur cette parole encourageante, puisqu'on est tous très attentifs à attaque. Tu imagines bien sur la production des économistes atterrés. Merci d'avoir participé à cette émission, Mireille, et à bientôt, peut-être, dans Politis ou autre. Très bien, mais merci à vous pour cet accueil. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. sur la tête. C'est vraiment trop ça, pas trop rigolo de faire la fête. Achetez la panoplie d'une méchante sorcière. Et surtout n'oubliez pas la super guirlande en lumière. Ils ne savent même pas pourquoi, mais tout le monde y court. Y'a un moment j'ai même cru que c'était un concours. Au plus ridicule ou au plus affligeant, c'est vraiment dégueulasse de prendre en otage les enfants. Consommation, consommation. Les coups s'y rendent dès les premières sommations. Consommation, consommation. Le passe-temps favori d'un monde sans éducation. Consommation, consommation. Les cons s'y rendent dès les premières sommations. Consommation, consommation. Réjouis les idiots et remplis les poches du patron. Et puis un mois après, faut changer toute la déco. Faut planter un sapin dans ton salon comme c'est beau. C'est vraiment génial, quel beau paysage. De voir toutes ces maisons déguisées en piste d'atterrissage. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est trop bien pensé. Ça fait gonfler à mort la facture d'électricité. Pendant un mois, ils taxeront sans une réclamation. On ne peut plus penser la tête fourrée dans la dade au marron. Consommation, consommation. Les cons s'y rendent dès les premières sommations. Consommation, consommation. Le passe-temps favori d'un monde sans éducation. Consommation, consommation. Les cons s'y rendent dès les premières sommations. Consommation, consommation. Réjouis les idiots et remplis les poches du patron. Toujours plus d'idées pour toujours plus de blé. Telle est la devise des grands dirigeants du marché. Et le marché c'est qui, ben le marché c'est fou. Alors arrêtez d'avaler toutes les merdes, tout sauf que t'as vu. Y'a la fête des mères, puis y'a la fête des pères. Puis la fête des grands-mères, puis la fête des grands-pères. Y'a la fête à mon chien, y'a la fête du parpaing. Moi je ferai la fête aux salauds qui se font du fric sur le prolo. Consommation, consommation. Les cons s'y rendent dès les premières sommations. Consommation, consommation. Le passe-temps favori d'un monde sans éducation. Consommation, consommation. Les cons s'y rendent dès les premières sommations. Consommation, consommation. Réjouis les idiots et remplis les poches du panneau. Quand vient le jour sacré où la famille réunit, fait le supermarché pour remplir le caddie. C'est vraiment génial, ça brille de tous côtés. Sur abondance de bouffe, de quoi nourrir le monde entier. Mais lui, le monde entier, il est bien loin d'ici. Il est plus préoccupé à penser à sa survie. Quand l'Afrique meurt de faim, que la Corée crie famine. On préfère donner aux chiens ses croquettes à la vitamine. Consommation, consommation. Les cons s'y rendent dès les premières sommations. Consommation, consommation. Le passe-temps favori d'un monde sans éducation. Consommation, consommation. Les cons s'y rendent dès les premières sommations. Consommation, consommation. Réjouis les idiots et remplis les poches du patron. Consommation, consommation. Les cons s'y rendent dès les premières sommations. Consommation, consommation. Et donc, c'était Consommation de Aku Harel. Donc, vous êtes bien sur Radio Campus 106.6 FM, campuslit.com et DAB+. Et c'est l'émission Angle d'attaque. Et on va passer aux actualités locales. On passe aux actualités locales, exactement, Florent. Et c'est René qui va parler d'un nouvel accord de libre-échange. Oui, alors, les activités d'attaque au plan national. Alors, non à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, interpellés les députés européens. C'est un communiqué du jeudi 16 novembre, transmis par Attaque France et le collectif Stop TAFTA, devenu Stop CETA Mercosur maintenant. Le Parlement européen se prononce mardi 21 novembre sur la ratification d'un accord de libéralisation du commerce entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Donc n'hésitez pas à interpeller les députés pour rejeter cet accord qui va aggraver le réchauffement climatique et favoriser l'agro-business. Oui, parce que c'est vraiment un accord délétère. Hein. Selon la propre étude d'impact de la Commission européenne, il est attendu une augmentation des émissions de gaz à effet de serre générées par l'accroissement des échanges et par l'augmentation de la production dans des secteurs nocifs de la planète. Cet accord va augmenter l'importation des produits agricoles venant de l'autre bout du monde, viande ovine et bovine, bien sûr, du lait, du fromage, des pommes, des kiwis et tant d'autres produits qui vont parcourir 20 000 kilomètres alors qu'ils sont déjà également produits sur le sol européen. Je signale qu'on dit ça, mais je pense qu'il y a maintenant 15 ou 20 ans, notre ami Jean Gadret le dénonçait déjà, les 20 000 kilomètres. Pleinement soutenu par Emmanuel Macron, les négociations ont débuté en 2018. Elles se sont poursuivies pendant la pandémie du Covid-19. Dans la plus grande opacité, décidément, je bafouille. Dans la plus grande opacité, c'est une grande pratique de l'Union européenne sur ces questions-là, alors qu'il manquait, ne manquait aucun dirigeant politique pour promettre à l'opinion publique un processus de relocalisation des activités jugées stratégiques. 3 ans plus tard, en pleine urgence climatique et à quelques jours de la COP28, cet accord arrive sur la table du Parlement européen. C'est invraisemblable. Donc le collectif national Stop c'est un Mercosur qui s'est mobilisé sur les accords de libéralisation du commerce appelle les députés européens à se ressaisir. Il n'est pas possible de prétendre mettre en œuvre le Green Deal européen et ratifier un accord qui va aggraver le réchauffement climatique et conduire à importer des biens déjà produits sur le sol européen depuis l'autre bout de la planète. Donc plus de 50 organisations de la société civile de l'Union européenne et de Nouvelle-Zélande, dont une vingtaine d'associations françaises, dont ATTAC bien sûr, appellent à une déclaration publique des députés européens à voter contre l'accord Union européenne-Nouvelle-Zélande. Ne laissons pas cet accord ratifié en catimini. Nous pouvons interpeller nos députés européens sur le site d'ATTAC France ou sur le collectif national Stop Steta Mercosur. Changement de région dans le monde, solidarité bien sûr avec le peuple palestinien. Cessez le feu immédiat à Gaza, René. Tout à fait. Donc, il y a une démarche prévue donc, dans toute la France pour ce samedi 18 novembre. Oui, une manifestation à Lille, je me semble bien aussi. Oui. Mais nous n'y serons pas, puisque nous fêtons les 25 ans d'ATTAC cet après-midi. Le Black Friday, mettons Amazon hors service, René. Oui, alors que les crises sociales et climatiques ne cessent de s'aggraver, Amazon s'apprête à organiser vendredi 24 novembre sa grande messe de l'hyperconsommation, le Black Friday. ATTAC organise 2 journées d'action contre Amazon et son monde les 24 et 25 novembre pour dénoncer les méfaits de la multinationale et notamment ses pratiques d'évasion fiscale et ses crimes climatiques, bien sûr. Donc nous vous proposons de mettre hors service les lockers d'Amazon sur l'ensemble du territoire pendant le Black Friday. Vous pouvez nous aider à agir, participer au financement des kits de mobilisation Amazon, Amazon hors service, à partir de 10 euros pour financer un kit individuel et de 50 euros pour un kit collectif. Les renseignements sont aussi sur le site d'ATTAC France. Non à la suppression de l'aide médicale d'État, évidemment, on ne pouvait pas, nous, à ATTAC, ne pas réagir sur cette ignominie du gouvernement, appuyée d'abord par les Républicains au Sénat, et c'est curieux, on va mourir en disant ça, mais comment se fait-il qu'aucun commentateur de la presse mainstream, par exemple, n'a parlé de comportements racistes, xénophobes, parce que c'est que ça dont il s'agit, de la part du Sénat et de la droite du Sénat, évidemment embrayé aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Il semblerait quand même que certains membres de la majorité réagissent un peu contre la suppression de l'aide médicale d'État, qui a été créée, je le rappelle, par Madame Aubry, notre maire, et Bernard Kouchner. Et enfin, cette nouvelle du 9 novembre 2023, une bonne nouvelle quand même, l'annulation de la dissolution des soulèvements de la Terre. Une défaite pour la FNSEA d'ailleurs. L'annulation de cette dissolution par le Conseil d'État n'est pas seulement un camouflet pour Darmanin et le gouvernement, c'est aussi une défaite pour la FNSEA, bien sûr, et l'agro-industrie. Oui, et par contre, la FNSEA gagne sur un autre terrain. Hein, et s'est battue pour que le glyphosate soit maintenu. Et on en a parlé avec Mireille il n'y a pas 30 minutes. Effectivement, c'est un véritable problème que d'accepter une fois de plus les diktats de la FNSEA. C'est un gage, sinon un diktat de plus du gouvernement pour cette fédération nationale qui est plutôt toxique d'ailleurs comme, comme le glyphosate. Mmh. Au plan local, René. Alors, ben, Attaque fête ses 25 ans, donc ici, donc localement, quoi, c'est aujourd'hui. Donc, c'est de 14h à 21h à la Bourse du Travail, 250 boulevard de l'Usine à Fives-Lille. Le programme est sympa, hein, on aura un certain nombre de stands avec des tables rondes, et puis on a invité aussi des membres fondateurs d'Attaque, qui ne sont pas tous là évidemment, parce qu'ils ne sont pas tous locaux, mais prendront la parole pour dire un peu ce qu'ils ont attendu d'Attaque et ce qu'ils attendent aujourd'hui d'Attaque. Et puis, après un intermède musical de Dominique et Béatrice Chevalier, il y aura un ciné-théâtre. Une pièce de théâtre qui a été faite pour les 25 ans d'Attaque, mais qui a été filmée, et on aura le film. Ça s'appelle Regardez, virgule, les baleines arrivent. Par la compagnie Nage. Par la compagnie Nage, qui est une compagnie très proche de notre mouvement. On va passer peut-être aux actualités de Florent. Oui, alors cet après-midi, comme Christian l'a précisé, pour un cessez-le-feu sur la Palestine, pour la justice et pour la paix, manifestation départementale à l'appel de la CGT. Rendez-vous donc à 14h30, place Sébastopol à Lille. Et dans le cadre du mois du DOC, le Pôle d'Air vous propose une projection du film Relax sur l'affaire Tarnac. Donc le synopsis, cela fait 10 ans que Manon est inculpée dans l'affaire Tarnac, accusée avec 8 autres personnes d'avoir participé à une entreprise terroriste pour les sabotages sur la ligne TGV. À l'approche du procès, la réalisatrice prend sa caméra et rejoint le groupe de fans qui aide Manon à préparer sa défense. Ça sera au café Le Pôle d'Air, 50 rue Roger Salengro à LM, et donc le mercredi 22 novembre à 19h30. Ensuite, rencontre et discussion, cordiste en colère, cordiste solidaire, en partant du livre « Un jour j'irai là-haut », en présence de son auteur, Éric Louis. Que ce soit sur les chantiers, dans l'accompagnement des accidentés du travail ou de leur famille, devant les tribunaux, le recensement des nombreux accidents mortels, la production d'outils d'autodéfense face au patron, la discussion reviendront sur 5 années de combats menés par l'association dont l'auteur est le cofondateur. Donc rendez-vous le jeudi 23 novembre à 19h au café L'Aspendos, 10 rue des Sarrasins à Lille. Et ensuite, conférence organisée par les Amis du Monde Diplomatique dans le cadre de Cité Philo, avec Pierre Crétois, philosophe, maître de conférence à l'Université Bordeaux-Montaigne et auteur de La Part Commune. Dans ce livre, il s'agit de questionner les fondements juridiques de la propriété. Dans la copossession du monde, Pierre Crétois met sur la sellette les approximations et les apories du discours économique. Exercice des plus nécessaires à l'heure des désastres écologiques en cours. Donc cette conférence aura lieu le 24 novembre à 18h à l'Antre 2, au 1 bis rue Georges Lefebvre à Lille. Et donc ben, vous pourrez trouver ces rendez-vous et d'autres sur le site lille.demosphère.net. Merci Florent, et nous nous retrouvons dans un mois, au mois de décembre, le 16 décembre, où nous parlerons avec Ludovic et d'autres sur le thème de décroissance avec un S au bout. Je vous souhaite d'abord de vous rencontrer cet après-midi à la Bourse du Travail à Lille, et puis de toute façon, un bon week-end et à bientôt. On a fait des progrès dans tout ce qu'on peut jeter. Les bouteilles d'eau de source et les tonnes de bouffe. On a tout emballé pour pouvoir le jeter. Les produits périmés et la viande avariée. Faut trouver chaque semaine de quoi remplir la poubelle. Quand on a bien jeté, on peut racheter, racheter, jeter. Quand on a bien jeté, on peut racheter. Faut tout balancer. Quand on a bien jeté, on peut racheter, acheter, jeter. Quand on a bien jeté, on peut acheter pour tout balancer. qu'on construit des voitures qu'on peut pas réparer, des immeubles en béton qu'on détruit 30 ans après. Faut voir tout ce qu'on fabrique, qu'on bidule.